Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, on rediffuse, du général au président, un itinéraire gaulliste par Perrine Kervran et Véronique Samouilov. Au départ de cette série, il y a les 130 ans de la naissance de Charles de Gaulle, les 50 ans de sa mort et les 80 ans de l'appel du 18 juin, fondation de l'organisation de la résistance et première étape vers les Trente Glorieuses dont l'inauguration de l'aéroport d'Orly a été un symbole. Alors pour commencer, les personnages. Un président général, un reporter exalté, un ingénieur surmené, un architecte qui raconte, une historienne, une hôtesse nostalgique et un visiteur. Ensuite, le décor. L'autoroute, un discours, une fanfare, des portes automatiques, la modernité, une terrasse, des omelettes norvégiennes, des décollages, des canards, un attentat et l'odeur du kérosène. Aujourd'hui, dernier épisode, on inaugure. Ciel de France, le magazine de l'aviation de la radiodiffusion télévision française, une émission de Georges Join. Rêver le luxe, fantasmer le voyage... Le dimanche à Orly. Eh bien, depuis ce matin, la France est en possession de la plus moderne des aérogares du monde, Orly. Un ensemble audacieux de verre et d'acier qui place notre pays à l'avant de la circulation aérienne européenne et mondiale. Le général de Gaulle a inauguré ses installations ce matin. Rappelons brièvement, Pascal Rossini, ce qu'ils nous ont fait découvrir au cours de ce reportage. Voici maintenant le chef de l'État qui descend de la voiture. Il est accueilli par... les personnalités officielles. Le général de Gaulle vient de passer devant la musique de l'air. Il va maintenant s'incliner devant le drapeau. Le chef de l'État a salué le drapeau pendant que retentissait l'hymne national. Devant nous, une perspective dégageant sur Paris Sud, l'autoroute de la Nationale 7, aboutissant aux portes sud de Paris, autoroute au-dessus desquelles s'enchevêtrent, en un très bel entrelacs, les lampadaires d'une forme incurvée qui balisent cette autoroute. Mais je pense que maintenant le chef de l'État doit être à l'intérieur. Je vous laisse entendre quelques instants la musique de l'air de la marche consulaire et je rends l'antenne au hall de l'aérogare. Le 24 février 1961, 2500 personnes en habits de cérémonie attendent devant l'aérogare flambant neuve l'arrivée du général de Gaulle. Devant l'aéroport, à la façade vitrée et aux teintes vertes et bleutées, un vaste bassin d'eau scintillante où évoluent avec classe et majesté quelques signes. Autour du plan d'eau, des carrés de pelouse dominés par d'élégants réverbères mènent vers l'entrée principale où silencieusement s'effacent les portes automatiques pour laisser passer le cortège officiel. Ici Georges Join, en effet, qui vous parle de l'aérogare d'Orly. Je voudrais vous expliquer les détails techniques que nous avons dû employer parce que je crois qu'ils sont intéressants. C'est-à-dire que pour la première fois, et ceci est peut-être aussi une inauguration dans les annales de la radiodiffusion télévision française, pour la première fois dans notre métier, nous sommes complètement affranchis d'un fil et ceci me permettra de suivre de bout en bout à l'intérieur de l'aérogare le cortège présidentiel. Allô Jacques Carion, est-ce que vous me recevez ? Vous venez de faire la preuve de l'excellence de cette technique, puisque je vous ai parfaitement reçu. Allô Georges Join ? J'appelle Jacques Carion, qui doit se trouver à l'extérieur, c'est-à-dire sur la façade sud de l'aérogare. Allô Georges Join, eh bien... ouest. Je vous entends. Georges Join, est-ce que vous m'entendez ? Jacques Carion n'a peut-être pas son casque. Il fait beau. La lumière entre à flot dans le grand hall du premier étage. Le ciel et la tour de contrôle se reflètent dans le sol de pierre et les poteaux habillés de marbre. La quinzaine de lustres en aluminium doré rehausse le faux plafond bleu ciel. Le vaste hall étincelle, c'est un peu Versailles, mais à la fois, c'est follement moderne. Les hommes sont en cravate ou en nœud papillon et portent chaussettes noires et souliers fraîchement cirés. Les uniformes sont de sortie, casquettes, képis, médailles, légions d'honneur et galons prolifères. Les femmes sont comme il se doit peu nombreuses et en chapeau. Elles ont leurs attributs du moment, sac à main de cuir rigide au bras, fourrure et jupe en dessous du genou. Le général arbore des lunettes noires et même sans son képi, il domine tout le monde d'une bonne tête. Le président de la République est accueilli par les bravos. Bonjour messieurs, vous êtes tous de l'aéroport. Bonjour madame, bonjour messieurs, nous avons du beau temps pour la cérémonie. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Le président de la République, maintenant il faut que je vous le dise, arrive au premier étage. Le général de Gaulle se trouve ainsi dans cette immense salle qui est réellement extraordinaire en ce qui concerne sa décoration, en ce qui concerne surtout une audace architecturale considérable mais d'un goût parfait. Et tout ça pourquoi ? Pour un aéroport tout neuf, sorti de terre en 4 ans, mais pensé pendant 10 ans par Henri Vicario, qui a multiplié les voyages aux États-Unis pour imaginer ses 40 000 mètres cubes sur 9 niveaux. Un aéroport qui sera peu de temps, mais quand même, le plus grand d'Europe et le 4e dans le monde. Une aéroville où l'on peut vivre en autarcie, une aérogare comme une sorte de Luna Park avec visite guidée, pour regarder atterrir les premiers avions à réaction en sirotant au soleil un cocktail à la mode. La cérémonie d'aujourd'hui consacre l'aérogare d'Orly comme l'une des plus frappantes réalisations françaises. Et devant cette grande réussite, nous exprimons la satisfaction nationale. L'aérogare est en effet, par sa conception et par ses dimensions, en proportion de l'énorme et grandissant trafic de l'aéroport de Paris. Puisse donc s'affermir ici une ambition nationale, je dis bien une ambition, quoi qu'en puissent penser ceux qui toujours doutent, nient et, comme disait Nietzsche, clignotent. Voici qu'en l'ère industrielle, notre pays s'aperçoit que toutes les limites s'éloignent, qu'il a en lui toutes les sources de la puissance et du rayonnement et qu'il peut se transformer au point d'être une fois de plus l'un des plus jeunes et des plus grands. Orly nous a ce matin confirmé dans cette certitude. Ça s'est passé dans le hall de l'étage, là où il y a les grands lustres ronds. Jacques Bloch, ingénieur en chef. Donc, à un bout du hall, il y avait une estrade qui avait été montée. Et dans le hall étaient assis les invités. Et puis, près de l'estrade, il y avait une tribune pour le président et le directeur général de l'aéroport de Paris, pour les ministres des Transports, enfin, etc. Et De Gaulle est arrivé, il est monté par les grands escaliers. C'est là où il a fait son discours, dans lequel il a dit qu'ici se rencontrent le ciel et la terre. Et donc, c'était très, très, enfin, très solennel, très impressionnant. Il a fallu mettre en place tout ce qui était nécessaire pour que ça fonctionne le jour de l'inauguration. Charles Berthelot, ingénieur, responsable de l'entretien du bâtiment. Je me souviens que je dormais très peu, ma femme peut le dire, je dormais 2-3 heures par nuit. Et mon patron, M. Deschamps, m'avait mis un podomètre. Et en moins de 20 heures, j'avais fait 70 km dans la gare. Mais les ascenseurs et les escalators ne marchaient pas. Enfin, ça a été pendant quelques jours, vraiment, ça a été de la folie, quoi. La première journée, on a manqué d'eau. Et alors, je suis descendu avec mes plombiers. On a renversé les pompes qui dirigeaient l'eau sur la gare. On a aspiré l'eau, faut pas le dire, on a aspiré l'eau de la commune, et si bien que pareil vieille poste qui est à côté et l'usine Técalimite qui était, ont été privés d'eau pendant quelques heures parce qu'on avait pompé toute l'eau On ne l'a pas dit à personne, ça. 207 mètres de long, sur 70 mètres de largeur et 25 de hauteur. Pour les voyageurs, un hall de 190 mètres de long. Au rez-de-chaussée et au premier étage, départ et comptoir d'enregistrement des compagnies aériennes, une quarantaine, toutes rassemblées désormais. 25 salles d'attente, avec des magasins où l'on trouvera des livres, du tabac, des alcools, des parfums, et même, nous dit-on, des pelotes de laine pour tricoter si l'on veut en attendant l'avion. Une nurserie, un salon de coiffure, un restaurant pour plusieurs centaines de couverts, un hôtel 4 étoiles pour les voyageurs en transit, un oratoire, aménagé de telle sorte qu'il peut se prêter aux rites de tous les cultes, quels qu'ils soient. Au total, 5 étages, 2 sous-sols, une terrasse ouverte au public, le tout verre et acier, avec des glaces monumentales si épaisses qu'on entend à peine le bruit des jets à réaction. Plus aucune odeur de carburant non plus, des ventilateurs alimentent tout le bâtiment en air désodorisé. Tout ceci, vous l'avouerez, est à l'avant-garde du progrès. Après la guerre, les regards d'Orly, c'était vraiment le premier grand bâtiment moderne en France. C'est la première fois qu'on voyait un bâtiment aussi grand, avec l'utilisation si massive de matériaux modernes, d'aluminium, l'acier inoxydable, les grandes glaces, puis des équipements modernes. Des ascenseurs rapides, il n'y en avait pas. Des portes automatiques, il n'y en avait pas. C'est la première fois qu'on a vu des pendules à 4 chiffres, à chiffres sautants. Alors les gens voyaient ça, ils ne comprenaient pas ce que c'était. C'est drôle de penser ça, mais ils ne comprenaient pas. Ils disaient, mais qu'est-ce que c'est que ces chiffres? Ils ne comprenaient pas que c'était l'heure et les minutes. Alors l'issue, c'est un bâtiment très riche en fait. Jean-François Vigouroux, architecte pour l'aéroport de Paris. C'est-à-dire qu'on a recherché à l'époque des matériaux les plus nobles. Hein, on voit que tous les alus blonds qui sont à l'intérieur, c'est le blond Orly Sud qui est resté célèbre. Et puis de même, sur les façades, on a les pattes de verre qui étaient à l'origine les verts, les bleus, tous les tons que l'on voit sur la façade, qui sont restés à l'identique. Et la façade transparente est visible depuis très loin. Et à travers cette façade, on a cette espèce de cimaise derrière qui est rouge sombre et qui donne un petit peu de tout cet effet monumental. En fait, ce bandeau a été conçu comme un signal. C'est un bandeau qui se voit d'extrêmement loin, à peu près un kilomètre ou deux Bernard Barré, en venant de Paris. Architecte pour l'aéroport de Paris. Ce bandeau était visible. C'est-à-dire que comme la façade de ce hall est transparente, ce bandeau se perçoit de l'extérieur et se percevait de très loin. Et il était éclairé donc la nuit, ça faisait une grande bande donc rouge-orangée qui portait l'ensemble de la façade. On a pour la première fois mis des niveaux d'éclairage extrêmement élevés, aussi bien dehors que dedans. Et c'est vrai que les éclairages des aires de stationnement, moi j'ai eu l'occasion de les voir en avion à la verticale de Nantes. Par temps clair, on les voyait. On n'avait jamais fait ça, on n'avait jamais éclairé à ce niveau-là. Pour la première fois, on a été à gogo, là. On a mis des lumens dans le pagaille et ça a beaucoup étonné les gens. Donc on va rentrer dans cet aérogare. Alors là, on voit les plafonds bleu ciel. Alors c'est ici où on voit les façades de Prouvé, avec les glaces suspendues et prises dans des... Alors là-haut, on a les lustres, les fameux lustres. Donc ce sont des cercles en aluminium doré auxquels sont fixés des spots circulaires tout au long du cercle. On peut monter aux étages du dessus. Vous avez le restaurant qui doit être au troisième. Ici, on est au premier. À cette époque-là, c'était immense parce que... Comme gare, on n'avait jamais vu ça. Christian Lambert, chef au restaurant Les Trois Soleils. Une grande gare avec tous ces points de vente, restauration, bar. Il y avait un monde fou, les terrasses étaient ouvertes. Le samedi et le dimanche, les terrasses étaient blindées. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, on passait de l'avion à hélice et on arrivait avec la caravelle aux avions à réaction. Donc les terrasses étaient bondées de monde. Et donc, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire à cette époque-là. Donc, ce hall s'appelait à l'époque Galerie Marchande. Il donne sur les pistes avec des très grandes baies vitrées pour permettre la vision sur les avions. Arrivée en provenance de Paris, porte numéro 47. Si on voulait donner une idée des proportions de ce grand hall, de cette grande galerie. Là, ici, on doit être à 150 mètres à peu près, sur 7 mètres de haut. Hein, donc ça donne vraiment une très très grande salle. Et c'est un espace qui est à la fois moderne et classique. Hein, on voit que les poteaux sont habillés de marbre, le sol est en marbre, on a des lustres en suspension qui sont un petit peu versaillais. Mais en même temps, on a le verre, l'aluminium, la transparence, la lumière naturelle qui sont toute la modernité. Et d'ailleurs, Vicario comparait son urbanisme avec les mises en scène des châteaux du XVIIe, XVIIIe siècle. Hein, donc, la mise en scène des espaces verts, le bâtiment qui barre l'horizon, tout ça a été fait pour donner vraiment un très grand prestige à ce bâtiment et c'était l'enseigne de la France. Hein. Mais je voudrais vous faire pénétrer à l'intérieur de l'aérogare grâce au miracle de la transmission sonore. 1er octobre 1962. Pour vous montrer précisément que tout a été fait ici pour mettre les voyageurs à l'abri du son. Et vous voyez que nous trouvons maintenant, après avoir simplement fermé la porte, nous nous trouvons maintenant à l'intérieur de l'aérogare où vous n'entendez plus aucun bruit. Sinon, la musique, cette fameuse musique un peu murmurante, qui est diffusée par plus d'un millier de haut-parleurs. Vous savez en effet qu'on a appelé le système de sonorisation le système murmurant à l'intérieur de l'aérogare. Je veux dire par là que quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, j'en ai fait l'expérience tout à l'heure dans un ascenseur, dans un bureau qui n'était même pas encore terminé, à tous les étages où je me suis rendu, sur les balcons eux-mêmes, on entend d'une voix extrêmement amicale, la voix de l'hôtesse, qui annonce le départ ou l'arrivée de l'avion qui se présente sur l'aire de stationnement. Minuit, Orly, c'est l'heure des adieux. Déjà les jets intercontinentaux au loin crachent leur feu sur les pistes géantes. C'est l'heure des adieux, c'est l'heure des adieux. Des étoiles mouvantes dansent devant mes yeux. À l'heure des adieux, à l'heure des adieux. Si vous voulez, après la guerre, De Gaulle avait décidé qu'il fallait que Paris ait un aéroport mondial de classe internationale. Et on a pensé que le mieux, c'était d'agrandir Orly, parce qu'il y avait le plateau d'Orly qui était en grande partie disponible à l'époque. Et même, on avait pensé à un moment, on a retrouvé des études, de faire creuser un grand bassin pour accueillir les hydravions. Et donc, on avait étudié cette hypothèse. Enfin, on l'a écartée. Finalement, on a dit, on va agrandir Orly. Il y avait des grands hangars indirigeables qui dataient de la guerre de 14. Et puis, il y avait une piste, enfin, deux pistes même. Et puis, les Américains, à la Libération, s'y étaient installés. Il y avait des baraquements américains qui sont restés. Et donc, on a décidé de partir de là. Et l'aéroport d'Orly, à l'époque, s'arrêtait à la Nationale 7, qui était toute droite vers le sud. Et on a pris le parti de franchir la Nationale 7 et d'aller à l'ouest. Pour l'agrandir, pour pouvoir mettre l'aérogare au-dessus. Et puis après, bon, Vicario a fait le projet. Alors Vicario donc, avait été aux États-Unis, il avait vu comment travaillaient les Américains. Donc ils ont créé une équipe intégrée à Aéroport de Paris, architecte et ingénieur, qui a très très bien fonctionné. Donc le projet a entièrement été fait à Aéroport de Paris. C'était le plus grand chantier de France pendant un moment. Hein. C'était les Trente Glorieuses, hein, la revanche à prendre sur la guerre. Sortir la France de l'ancienneté, en faire un pays moderne, enfin bon, on y croyait beaucoup. Il y avait un enthousiasme. Puis on était très... Enfin, moi, j'étais très jeune. Et c'était extraordinaire d'être associé à ça, quoi. Orly Sud appartient effectivement à un contexte où d'autres aéroports se réalisent, dans les grandes capitales européennes, mais aussi aux États-Unis. Nathalie Roseau, historienne de l'urbanisme. Donc c'est une époque 60-65 où plusieurs comme ça grands aéroports naissent à Berlin, à Londres, donc à New York. Des revues d'architecture et d'urbanisme publient des dossiers entiers sur les aéroports pour comparer, pour étudier, etc. Donc c'est un nouveau type, en fait, une nouvelle typologie qui émerge. Effectivement, on compare, on regarde, on étudie. L'aéroport de Paris, déjà, c'est-à-dire l'établissement qui va être en charge de la conception et de la réalisation du financement de l'aéroport de Paris, naît en 1945. Ce n'est pas du tout anodin, effectivement, de créer un aéroport digne de ce nom qui puisse, effectivement, être une infrastructure moderne, techniquement éprouvée et qui incarne, effectivement, la grandeur, la fierté, l'ingénierie, la prouesse de la France, etc. Donc on a cette idée, effectivement, d'une mégastructure urbaine. Bon, ça fait aussi écho à toute la théorie architecturale et urbaine de l'époque qui veut intégrer dans un seul bâtiment, effectivement, toute une série d'activités urbaines qui fait partie, effectivement, du concept d'Orly, mais qui peut faire écho aussi, au même moment, à la création des centres commerciaux régionaux ou parcs d'attractions aux États-Unis. Alors, c'est aussi un discours, parce que c'est l'idée, effectivement, d'attirer les visiteurs pour venir voir l'attraction Orly. Ça aura un tel succès qu'effectivement, Orly sera classé premier au rang des visites touristiques devant le château de Versailles et la tour Eiffel. Donc, c'est l'idée, effectivement, d'attirer, pour promouvoir aussi le transport aérien, et puis aussi de rapporter un certain nombre de recettes à l'autorité aéroportuaire, qui cherche aussi à équilibrer ses recettes entre le transport aérien et d'autres activités plus ou moins commerciales. Inter, actualité. 8 mars 1961. Et nous terminons cette émission à Orly, et qui vit, vous le savez, aujourd'hui sa première journée. À vous, Orly. Nous parlons bien entendu de l'aérogare, la nouvelle aérogare d'Orly, et nous avons l'honneur d'avoir près de nous M. Pierre Cotte, directeur général de l'aéroport de Paris. C'est la première journée de mise en service de cet aérogare ultramoderne, Monsieur le directeur général. Est-ce que cela a posé des problèmes particuliers ? Oui, cela a posé beaucoup de problèmes parce qu'il s'agissait de faire travailler brusquement dans un cadre différent des personnes assez nombreuses appartenant à des organisations très distinctes. Depuis le CRS qui règle la circulation sur l'esplanade de l'aérogare, jusqu'aux agents des compagnies aériennes, en passant par les douaniers, les personnels d'accueil, les personnels de renseignement, et surtout les agents qui sont chargés de répartir les avions sur les différents postes de stationnement. Mais en somme, tout le monde avait été particulièrement entraîné. Oui, sauf une catégorie de gens très importante, ce sont les passagers, qui naturellement n'avaient pas pu être formés à l'avance, mais qui, je dois le dire, se sont très gentiment tirés d'affaire. Donc on est arrivé dans cet aéroport et personne connaissait le... Janine Dupont, hôtesse au sol pour Air France. Connaissait le lieu. Nous ne savions pas où était le poste. Et rien que pour aller signer, parce qu'à l'époque, on pointait. Donc pour aller pointer, il fallait partir dans les sous-sols. Donc ça a duré au moins trois quarts d'heure, une heure, avant qu'on trouve les lieux et qu'on revienne dans nos différents postes. Donc c'était assez épique, c'est vrai, parce que les passagers se perdaient. Et les commandants de bord même, ils ne savaient pas comment aller à leurs avions, parce qu'ils ne devaient pas passer les formalités, normalement. Alors, ils passaient dans la zone bagages, où les bagages se faisaient enregistrer. Donc, eux, ils passaient sous les tapis à bagages pour retrouver leurs avions. Tout le monde était débordé, personne ne savait. Donc, on disait, allez-y, cherchez. Ah, mais enfin, nous, c'était drôle. Moi, j'avais 25 ans, donc j'ai trouvé ça très drôle. C'est dans les années, on va dire, 68-69, je vais être en 5e, je ne me rappelle plus très bien, où on y allait en vélo, il y avait une piste cyclable, il y avait une salle de jeu, donc ça n'avait rien à voir avec les avions. Daniel Grécy, habitant d'Athis-Mons. Ce que je me rappelle aussi, c'est qu'à l'époque, les terrasses, il me semblait qu'elles étaient payantes et que c'était pas cher, hein, mais pour éviter de payer, on attendait que le gardien ait l'œil tourné et on se précipitait. Et c'était un petit peu notre sortie du week-end. Je me rappelle aussi que c'était dans la piste cyclable à l'époque, sous le grand pont d'Orly, il y avait beaucoup de vélos. Il y avait un grand escalier qui menait dans le grand hall de l'aéroport. On posait son vélo, on allait se promener, puis on récupérait son vélo en bas sur la piste cyclable le long de la Nationale 7. Donc on est au sous-sol de cet aéroport. Donc c'était un espace à l'époque qui était réservé aussi au public ou uniquement au personnel ? Ce lieu était, disons, plutôt dédié au personnel, mais en même temps, c'était un lieu où on pouvait trouver la poste et un couloir qui menait au bus de ligne. Et donc, de ce sous-sol, on pouvait descendre sur la Nationale 7. Et puis, il y a un autre projet qui ne s'est jamais fait, sur les anciens plans, les premiers plans d'aérogare. On a une indication d'une gare SNCF de ce côté-là, du côté ville, mais ce projet n'a jamais vu le jour. La carte sous les yeux, nous prenions connaissance des futurs aménagements du terminal d'Orly. 17 janvier 1958. La route nationale passera sous les pistes d'envol du terrain agrandi. Les importants travaux seront prochainement terminés, tandis qu'une dérivation fera aboutir la voie ferrée dans les bâtiments même de l'aérogare. En réalisant ce projet, la France sera le premier pays du monde capable de relier son aéroport au centre de la capitale en un temps aussi court. Les opérations de douane et de police pourront se faire dans le train, ce qui réduira encore la durée de l'embarquement. Cette liaison ferroviaire, rapide et confortable, permettra donc à un voyageur arrivant par la voie des airs de se trouver en plein cœur de Paris, sur les berges de la Seine, face aux Tuileries, dans un hôtel confortable, dans un temps record. Je m'en vais dimanche à Orly, sur l'aéroport, on voit s'envoler des avions pour tous les pays, tout l'après-midi, y a de quoi rêver. Je me sens des fourmis dans les idées. Et surtout le week-end, alors c'était vraiment l'afflux. On allait à Orly, comme on allait au Bois de Boulogne, si vous voulez, enfin, voir un château, je ne sais pas, d'Empire ou Versailles. Les terrasses étaient très grandes, elles étaient librement accessibles. Et on voit d'ailleurs sur des photos, là, la foule sur les... Donc c'était permanent. Et Jean voyais qu'il passait des heures... Ancien de l'escale d'Orly. Des heures aux terrasses avec l'appareil photo. Et je suis sûr qu'ils avaient passé d'une pellicule. Les premiers pas de l'aéroport d'Orly datent disons, des années 1910-1920. Parmi ces activités aéronautiques, il y avait des spectacles, des meetings aériens. Et la petite aérogare d'Orly Sud qui précède celle-ci était un lieu où les gens pouvaient venir voir des spectacles donc de meetings aéronautiques. On voit même des photos avec des installations par soleil pour que les gens soient tout à fait à l'aise pour regarder les spectacles. Et donc c'est une tradition qui existait, d'avoir des terrasses accessibles au public. Il y avait aussi les accompagnateurs, c'était très important parce que on disait au revoir sur les terrasses, c'est-à-dire que les accompagnateurs allaient sur la terrasse et puis ils voyaient les passagers qui montaient dans l'avion et puis on voyait l'avion partir. Et ça, c'était quelque chose d'assez exceptionnel. Mais l'intérêt aussi, c'était que on mettait sa petite pièce pour monter sur la terrasse. Et puis il y avait aussi le restaurant Les Trois Soleils, qui était très fréquenté. Je sais que j'ai un de mes copains, on s'est marié le même jour, et lui est venu faire son repas de mariage aux Trois Soleils d'Orly. Voilà. Et on se voit très souvent et on se rappelle souvent du restaurant des Trois Soleils. La messe catholique du Vatican sera célébrée à midi à la chapelle située au niveau de l'aérogare. Tout était nappé blanc, il y avait des maîtres d'hôtel avec un smoking, avec le col cassé et le petit gilet. En salle, ils étaient au moins 60-70 personnes en salle. Ici, à la place du bar, il y avait la grande tapisserie des Trois Soleils. L'éclairage, je me souviens, l'éclairage qui était dans des rampes, dans des faux plafonds. Principalement le soir, c'était différentes couleurs. On tombait dans des bleus très légers, dans des oranges, des rouges. C'était magnifique, magnifique. Et ensuite, tout était servi clocher en argent, couvert en argent... Ça faisait partie des grandes tables sur la place de Paris, quoi. Tout était frais. Les bœufs, les quartiers de bœufs arrivaient entiers. Nous avions des bouchers. Il y avait, je crois, qu'on faisait une côte de veau caravelle. Sinon, c'était le saumon fumé. On avait le caviar sur glace, foie gras. Les pâtissiers avaient des soufflés frais, des omelettes norvégiennes, enfin tout ce qu'il y avait en dessert, quoi. En cuisine sur la plateforme d'Orly Sud, nous avions 6 restaurants, donc c'était une ville ici. Voilà. Une des premières robes d'été, c'était de chez Dior. Il y avait à peu près 8 mètres de la largeur, c'était que des plis profonds. Vous voyez le corsage qui tombe, là, il y a un petit dégueulis, ce qu'on appelait le décolleté. Et ça, bien sûr, ça allait avec le chapeau. C'était bleu très clair. Alors, il fallait une habilleuse vraiment pour le mettre, parce qu'il y a des fermetures éclair sur le côté, dans le dos, qui est monté jusqu'en haut. Voilà. Donc le chapeau, vous voyez, on le voit là, c'était des petits tambourins. Les hôtesses étaient vraiment des hôtesses, c'est-à-dire qu'elles accueillaient des gens d'un certain niveau à bord, avec les égards dus à leur rang. Enfin, donc c'était très élitiste, mais ça n'a pas duré. C'est-à-dire que très rapidement, les compagnies aériennes, pour se développer, ont dû chercher à élargir leur clientèle, à baisser leurs prix. Et donc il y a eu un développement extraordinaire du transport aérien, à des rythmes qui étaient du l'ordre du doublement en 10 ans, mais même plus, enfin. Il a fallu tout de suite agrandir, rajouter des satellites au bout des deux jetées pour accueillir les 747 quand ils ont été mis en service. Et tout de suite, on a, dans la foulée, engagé Orly West. Puis, tout de suite, avec Orly West, on a engagé Roissy. En fait, ça a été un développement continu. À l'OSTA, je suis complet pour Moscou. Ah bon, mais excusez-moi, ça ne fait rien, une petite seconde. Ça, alors, fais voir, 406, non, stop, tournez. Mets deux places pour New Delhi, s'il vous plaît. Je vous écoute, le 16, non plus, le 20. Ah, tout first class, ticket, New York. Je pars de Paris, de Londres. J'étais émerveillé partout. Par les avions, par les passagers, partout. Ça bougeait énormément. Et il y avait énormément de passagers qui voyageaient en première classe à faire. Et puis, on ne connaissait pas à l'époque la clientèle charter. La clientèle charter qui a dû arriver vers les années 75-76 à peu près. Un passager était un passager. Bon, maintenant on parle des passagers. Le type qu'on doit accueillir. Oui. Qui est-ce ? Je ne sais pas. Pardon ? Je ne sais pas. Allez à Orly demain matin à 9h30 et choisissez. Prenez n'importe qui, un homme dans la foule, le plus anonyme possible. Celui que vous allez accueillir n'a aucune importance. C'est un prétexte. L'aviation, c'est un mythe, hein. Bon. Et tous ceux qui travaillent dans un aéroport, je vais dire principalement à l'escale, toucher de près le passager, l'avion et puis tout ce qui tourne autour, c'est fantastique. Mon père me ramenait tous les horaires des avions. Et moi, dans ma chambre, je faisais le tour du monde. Je partais de Paris à 8h, j'arrivais à Tokyo, je repartais de Tokyo et je arrivais à Berlin. Et puis à chaque fois, quand j'arrivais dans un pays, je lisais dans le livre la capitale que j'étais censé visiter. Orly, donc on est encore dans une époque où effectivement le transport aérien reste réservé à une catégorie d'élite, à des stars, etc. Et Orly va correspondre aussi à une forme de publicisation en fait du transport aérien, avec notamment l'ouverture de l'aérogare à un public qui vient de plus en plus nombreux. La majorité des visiteurs qui viennent à Orly ne prendront pas l'avion, mais viendront voir effectivement à la fois le spectacle aérien, mais aussi le spectacle de l'aéroport. Donc on est dans cette transition, et vraiment la démocratisation du transport aérien, puis ensuite sa massification, vont intervenir avec Roissy, notamment, qui sera ouvert en 1974, mais dont les études débuteront au milieu des années 60. Édition spéciale, une émission de reportage et de documents du journal Parler. 4 juillet 1961. Georges Join au micro. 3 mois après la mise en service de la nouvelle aérogare d'Orly, nous nous sommes rendus dans cette espèce d'énorme gare aérienne afin de connaître l'opinion des différentes personnes qui la fréquentent. Je suis Maders, chef d'escale de la Swissair. Je suis marié, j'ai des enfants. Je me suis rapproché de l'aéroport d'Orly parce que ma femme m'accusait de la tromper avec l'aéroport du fait que j'y passe la plus grande partie de ma journée et souvent même mes nuits. On peut dire que quand on travaille à l'aéroport d'Orly, on peut se passer d'une femme, puisqu'on a tout sous la main, depuis la blanchisserie, la cordonnerie, la banque, la pharmacie, et j'en oublie. L'aéroport d'Orly nous sert à démocratiser l'aviation. Il est évident que nous ne pouvons plus fournir le même service individuel aux passagers qui en avaient l'habitude, n'est-ce pas ? Il faut que les gens arrivent à se débrouiller par eux-mêmes. Et si les passagers voulaient servir des petits chariots qui sont mis à leur disposition, mais ils n'osent pas le faire, croyant que tout est payant alors que c'est gratuit, ces gens-là n'auraient pas à porter sur des kilomètres des chargements un peu spéciaux et volumineux et lourds, n'est-ce pas ? Je suis Madame Blanchard, je représente une maison de parfums. Je voyage beaucoup en Europe, Italie, Allemagne, Suisse, Autriche. Donc je trouve que la signalisation est bien faite. Si on veut se donner la peine de regarder et d'écouter le numéro de la porte, on se dirige très facilement dans la nouvelle aérogare. Naturellement, il ne faut pas attendre qu'on vous prenne par la main et qu'on vous dirige comme on le faisait en 1948 ou 50, où il y avait très peu de voyageurs aériens. Et où là, une hôtesse était tout à fait à votre disposition. Maintenant, on attend énormément du passager qui se débrouille comme il fait exactement dans une gare SNCF, qu'il regarde et qu'il lise les numéros. Merci, madame. En effet, le voyageur aérien est devenu un adulte. Ainsi, notre enquête auprès de personnes aux activités très différentes semble pencher nettement en faveur de la nouvelle aérogare. Vous venez d'entendre Édition spéciale, une émission de reportage et de documents du journal Parler. Orly Sud, c'était vraiment encore le faste, le bâtiment exceptionnel, les gens qui voyageaient en manteau de fourrure, c'était une époque, les Trente Glorieuses, tout à fait le début de quelque chose d'exceptionnel. Et puis ensuite, ça s'est un peu démocratisé. Au début, on avait des banques d'enregistrement avec des queues minimum de 5 mètres, vous savez, parce que les gens ne faisaient pas la queue. Et maintenant, on a agrandi ces espaces de 5 mètres, c'est passé à 15 mètres. Puisque là, maintenant, les gens, c'est le transport de masse. C'est assez fantastique de voir l'évolution du trafic en 40 ans, quoi. Moi, j'ai été invité à l'étranger, j'ai donné des conférences au Japon, aux États-Unis, pour faire connaître cet aéroport. On a invité les étrangers. Enfin, à l'inauguration, il y avait des directeurs d'aéroports européens. Oui, ça a été pour la réputation, si vous voulez, de la France, ça a été excellent à l'époque. Donc il y a eu beaucoup de réflexions à cette époque-là sur les aérogares. Vicario, là aussi, a bousculé les choses, quoi. L'idée de faire un hôtel sous-douane, enfin dans la partie sous-douane de l'aéroport, c'était vraiment, pour les gens en transit, enfin, c'était un peu révolutionnaire, quoi. Et puis les boutiques, commençaient à développer les aspects commerciaux. C'était une époque formidable parce qu'on créait, quoi. On inventait, on créait. Quelles sont les exigences d'une aérogare moderne ? 27 août 1954, Henri Vicario. Une aérogare, c'est une gare, comme tous les bâtiments de cette nature, avec cette complication que, dans le cas particulier, il s'agit d'une gare frontière. Est-ce que l'on peut visiter l'aérogare d'Orly sans prendre l'avion ? On peut non seulement visiter l'aérogare d'Orly, mais on peut visiter tout le terrain d'Orly. L'aéroport de Paris a en effet organisé des visites guidées avec un car spécialisé. Chaque jour, les curieux du transport aérien peuvent se rendre à Orly. Et ils monteront sur les terrasses de l'aérogare. Ils pourront prendre le car qui leur fera faire le tour complet du terrain, avec même une visite de la tour de contrôle qui remporte beaucoup de succès. Et puis à l'heure du repas, après la cantine, on allait aussi sur la terrasse, là prendre un café. C'était une vie agréable, c'était une vie à l'intérieur de l'aéroport, c'est-à-dire qu'on n'était pas dans des bureaux retirés de tout, on était presque en ville. Ici, il y avait le cinéma dont je vous ai parlé, il y avait les cafés, il y avait même un centre commercial au sous-sol, hein, où on pouvait faire toutes ses courses pour rentrer chez soi. Il y avait le centre médical, c'était une ville, quoi. Au supermarché d'Orly, j'ai rencontré un équipage. Mademoiselle, vous êtes hôtesse de l'air ? Non, je suis hôtesse d'aéroport. Ah, bien. Et vous venez faire votre marché ? Oui, c'est très bien. Je trouve que c'était indispensable qu'il y ait ce supermarché ici. Oui ? Ce qui nous permet de faire nos courses à toute heure et vraiment, nous trouvons tout ce que nous voulons ici. Mademoiselle, je vous remercie. La directrice du supermarché est à côté de nous. Madame, je voudrais que vous me présentiez ce grand magasin. Eh bien, ce magasin nous surprend beaucoup par le chiffre d'affaires, de nouveautés et bazar. La clientèle ? Voyageurs, personnel de l'aérogare et en même temps des ménagères d'Orly. Et je crois qu'il faut nous rendre maintenant à la boutique. La boutique est le symbole de l'élégance parisienne à Orly. Vicario avait créé sur l'esplanade un bassin d'eau et il avait mis des signes dans le bassin d'eau. Puis, dans l'aérogare, dans l'escalier principal qui monte, il y avait, au deuxième palier, je crois, une sorte de fontaine, de cascade, avec des canards. Et alors, bien sûr, avec la foule, les canards ont disparu, comme et les cygnes affolés ont foutu le camp. Donc, on a renoncé à certaines choses, quoi. Ah oui, ça, les canards, les pauvres malheureux, on a fallu en changer souvent, parce qu'il y en a qui nous les volaient, ou alors qui les tuaient. Et on avait une cascade qui descendait de 2 mètres dans cette mare aux canards, qui était respirée par une pompe, puis après on l'a arrêtée parce que les dames de la comptabilité des wagons-lits nous disaient que c'était infernal. Un bruit d'eau comme ça, à 3-4 mètres de son bureau, en permanence, je veux bien les croire, c'était infernal. Alors du coup, ça a été abandonné. Acier inoxydable, béton armé précontraint, verre émaillé, marbre, aluminium doré, travertin, serpentine, formica, plastique, granit, linoléum, vénidal, vénimur, bufflon, verre sécurite, isovert, émalite et phonol. Mais ça, ce sont les matériaux modernes de l'époque. Ici, d'ailleurs, vous avez une main courante en aluminium, forme courbe, qui est une œuvre de Jean Prouvé. Très élégant. C'était compliqué parce qu'il y a eu beaucoup de spéciales Orly. Et donc, on n'avait pas énormément de matériaux de remplacement. Et les poignées de porte du 6e étage qui donnent sur les terrasses, elles avaient été faites spécialement poignée par poignée. Mais quand il y en a une qui a été volée, parce qu'elles étaient particulièrement belles, il a fallu que je commande à l'entreprise, d'abord que je trouve quelle était l'entreprise qui les avait réalisées, et ensuite que j'en fasse faire 10 au moins, parce que sans ça, ils ne voulaient pas en faire qu'une. Et le spécial Orly a été abandonné, surtout par les architectes que l'on a briefé pour leur dire, écoutez, surtout, ne faites pas du spécial Orly sur Orly West. Ils ont pris les matériaux traditionnels et le spécial Orly. Pour celui qui a la responsabilité de l'entretien, c'est un casse-tête. Orly Sud a commencé à avoir moins de superbe quand on a ouvert Roissy. Parce que vous avez les compagnies les plus importantes qui ont déménagé à Roissy. On les a plus ou moins poussées d'ailleurs. Et puis Air France a gardé ici du domestique avec Air Inter. Je sais pas, je dis peut-être des bêtises, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de low cost à Orly qu'à Roissy. À Roissy, c'est là où se passent les choses les plus importantes. Et petit à petit, tout est passé Orly West. Quand je suis parti, Orly Sud, il n'y a presque plus rien. Avec les compagnies étrangères. Un beau jour, ils nous ont dit qu'ils allaient demander à récupérer un Paris-New York. C'était le seul vol sur les États-Unis qu'on avait, puisqu'ils étaient tous partis. Quand ils nous annonçaient ça, on était vraiment ravis. C'est vrai que c'était la grande fête quand tous les matins on installait les comptoirs pour le New York. Et c'était devenu une autre clientèle. Enfin, c'était revenu une clientèle qu'on aimait bien. On aimait bien toutes les clientèles, mais enfin bon. Au début, c'était d'abord les passagers. C'était des passagers qui avaient les moyens. C'était des hommes d'affaires, ou c'était des artistes, ou c'était. Enfin, donc c'était une clientèle quand même. C'était pas. Moi, je suis le petit français, je vais faire passer mes vacances à Marrakech. C'est devenu beaucoup plus. Comment dire, ça s'est développé, puis c'était accessible de plus en plus aux gens, ce qui est très bien. Mais la clientèle a changé et c'était plus les mêmes façons. Comment dirais-je. Il y a eu la phase, bon, on est passé de l'avion à hélice à l'avion à réaction. Bon, il s'est passé pendant quelques années, l'euphorie de voir la caravelle décoller, de voir le premier Boeing arriver, le premier 747, etc. Bon, après, les gens s'étaient rentrés dans leur. Ils voyaient les avions partout, ils savaient qu'est-ce que c'était un avion à réaction. Il y a eu ça, il y a eu les attentats. Puis après, il y a eu cette mode de voyage par les airs de tous les gens, parce que maintenant, on prend l'avion comme si on prenait sa voiture il y a une paire d'années. Donc, c'est devenu très courant, ça, maintenant. Donc, il a fallu s'adapter à une nouvelle clientèle, puis s'adapter aussi à des gens qui voyagent beaucoup et qui n'ont plus le temps de passer 2 heures ou 3 heures à Paris. tout a allé très vite. Les voyages se sont démocratisés. Il y a eu peut-être aussi la décolonisation qui a beaucoup fait changer aussi le type de population qui voyage. Moi, je me rappelle avoir assisté au débarquement des rapatriés d'Algérie en 62 dans cet aérogare, donc, parce que mes parents guettaient éventuellement des amis. C'était le début de grands changements. Donc à partir de là, le tourisme s'est développé, les flux migratoires ont évolué. Et c'est pour ça que d'ailleurs très vite il a fallu construire Orly Ouest. Et puis ensuite très vite, dans les années 70, il a fallu construire Roissy, qui est encore en plein développement. Soir première, François Bonnemain. 19 janvier 1975. Un titre, un seul titre ce soir, l'attentat, le second de la semaine à l'aéroport d'Orly Sud. Il y aurait, aux dernières nouvelles, 11 blessés, mais j'appelle immédiatement notre envoyé spécial à Orly, Gilbert Picard. Comment s'est déroulé cet attentat ? 16h10, dans l'aérogare Orly Sud, une explosion retentit. Des terroristes armés d'un bazooka qui se trouvait au premier étage de l'aérogare, au niveau des terrasses, tire sur un avion de la compagnie israélienne El Al qui s'apprêtait à décoller. Fort heureusement, la cible n'est pas atteinte et l'avion pourra décoller normalement. Les CRS sont là, ils interviennent. Les terroristes armés de mitraillettes ouvrent le feu sur les CRS. Et c'est alors la panique. Les passagers et visiteurs nombreux en ce dimanche après-midi se jettent sous les bancs, beaucoup de blessés. Les terroristes profitent de l'affolement pour s'emparer de 3 otages, un homme, une femme et un enfant. Il s'enferme alors dans les toilettes et c'est le début d'un scénario devenu classique de la prise d'otage. Souvent, j'avais entendu ça, j'étais en voiture avec ma femme, je me suis précipité à Orly parce que je me suis dit, c'est le moment d'organiser quelque chose. Et je me souviens que c'était Poniatowski qui était ministre de l'Intérieur, il était là, et il connaissait pas les faux plafonds, tout ça. Et les terroristes menaçaient de tuer des otages. Et la police m'avait demandé est-ce qu'on peut accéder à ces. Alors, on avait été de l'autre côté du bloc sanitaire, on avait commencé à percer un trou dans la cloison pour mettre des micros ultra sensibles de façon à savoir ce qui se disait. Et on avait un traducteur arabe qui nous disait ce qui se passait. Nous, on était donc au palier du deuxième étage, avec le fameux faux plafond. Et donc, avec le chef de l'entreprise de nettoyage, on avait pris un escabeau. Lui, il était un peu plus grand que moi, il avait pris un cendrier. On était monté, moi, sur l'escabeau, le cendrier, et on avait commencé à démonter une plaque de faux plafond. C'est les plaques qui font 2 mètres de long et qui font 60 cm de large. Mais en le démontant, ça a fait un peu de bruit. Et les terroristes ont dit, si on entend encore un bruit, on tue un otage. Alors on avait la plaque de faux plafond au-dessus de la tête, en équilibre. On s'était dit, qu'est-ce qu'on fait ? On la repose ou on l'enlève ? On a réussi à l'enlever sans faire de bruit. Là, j'en ai encore la chair de poule, parce que ça, j'en ai un souvenir alors cuisant hein, de cet épisode-là. Bonsoir. L'attentat d'Orly, il faut y revenir. L'avion qui avait conduit les terroristes à Bagdad est revenu à Paris à 18h. Mais cet attentat a bien entendu mis en lumière les faiblesses des systèmes de sécurité sur les aéroports. Et dès ce matin, Michel Poniatowski, le ministre de l'Intérieur, a annoncé il y a quelques instants une série de mesures pour améliorer la sécurité sur les aéroports français. D'abord, interdiction d'accession aux terrasses. Deuxièmement, relèvement des grillages dans toute une série de points sensibles, des grillages de protection de la périphérie de Roissy et d'Orly. Des fouilles surprises. Distribution d'armements et d'équipements spéciaux aux forces de l'ordre et de protection. Renforcement de la police de l'air et de la gendarmerie chargée de protection. Des effectifs plus nombreux et plus stables. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come fly with me, let's fly away. Come fly with me, let's float down to Peru. Ah, moi j'avais un bureau au nord, ça me trouvait très bien, parce que j'aime bien le nord. Et ce que j'aimais surtout, c'est que j'étais au 5e, et je voyais l'aéroport, et c'était comme la mer. J'ai toujours pensé, c'est comme la mer. Parce qu'il y avait des prairies, hein, l'herbe entre les pistes, etc. Il y avait des aires pour avions en béton, il y avait des routes en bitume, il y avait des bâtiments. Et selon la lumière et l'heure du jour, la pluie ou pas la pluie, tout ça prenait des teintes et des reflets différents. Ça me fascinait. Puis on les avions, enfin, qui circulaient. Ouais. J'ai toujours aimé. J'ai été nourri de l'odeur du kérosène. Quand j'ai reniflé le kérosène, je me sens rajeuni. Angels cheer, cause we're together. Weather-wise, it's such a lovely day. Just say the words and we'll beat the birds down to Acapulco Bay. It's perfect for a flying honeymoon, they say. Come fly with me, let's fly away. Merci à Bernard Barré, Charles Berthelot, Jacques Bloch, Janine Dupont, Daniel Grécy, Christian Lambert, André Leroux, Nathalie Roseau et Jean-François Vigouroux. Merci aussi à Henri de Lamberti. Archivina, Aurélie Marseille. Prise de son, Olivier Leroux. Mixage, Sandrine Brochot. Once I get you up there, Rêver le voyage et le luxe, le dimanche à Orly, Perrine Carvran, Véronique Samuilov. You may hear angels cheer, cause we're together. Weather-wise, it's such a lovely day. Just say the words and we'll beat the birds down to Acapulco Bay. Perfect for a flying honeymoon, they say. Come fly with me, let's fly away. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just glide starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near. You may hear angels cheer, cause we're together. Weather-wise, it's such a lovely day. Just say the words and we'll beat the birds down to Acapulco Bay. It's perfect for a flying honeymoon, they say. Come fly with me, let's fly away. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just glide starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near. You may hear angels cheer, cause we're together. Weather-wise, it's such a lovely day. You just say the words and we'll beat the birds down to Acapulco Bay. It's perfect for a fly. Gaulliste, compagnon de route, résistante ou nostalgique, LSD, la série documentaire, c'est tout pour cette semaine. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter à l'aéroport, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Bonne Aboulivier, Mathias Mégy et Anise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur l'application Radio France et ailleurs, et nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Et la semaine prochaine, nous irons explorer les lieux de l'exil.